من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد يقول المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلمه في الدنيا والآخرة ونؤمن بالكرام الكاتبين فإن الله قد جعلهم علينا حافظين ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين وبعذاب القبر لمن كان له أهلا وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه وعلى ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. L'auteur ici, il nous dit « Nous avons foi aux nobles scribes, aux scribes, les anges qui veillent sur nous par ordre d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Nous avons foi à l'ange, ça veut dire quoi nous avons foi, nous croyons, à l'ange de la mort, auquel est confié le rôle de retirer les âmes des personnes au moment de leur mort. Nous avons foi au châtiment de la tombe pour celui qui le mérite. Et croyons en l'interrogation du mort dans la tombe, par Munkir et Nakir, nom des deux anges qui viendront l'interroger, sur son Seigneur, sa religion et son prophète, conformément à l'enseignement du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, sur eux l'agrément. Ici l'auteur, il a ramené dans son matin, dans son texte, plusieurs points très importants et essentiels. Le premier point qu'il faut retenir, ce sont les deux anges que nous avons à droite et à gauche. Quand on prend le sharh de l'Aqida Tahawiyya, le sharh complet d'Ibn Abil Arab, on s'aperçoit qu'il nous amène une explication qu'il y a quatre anges. Il n'y en a pas que deux. Il y en a deux qui vont écrire le bien et le mal que tu fais, et il y en a deux qui vont les protéger. Et deux anges qui sont là pour les protéger. Ces quatre anges, donc, ils sont du matin, du soir au rassor, quatre autres prennent la relève après, du rassor au fajr. Il y a deux anges qui écrivent. Un qui va écrire les bonnes actions et un qui va écrire les mauvaises actions. Et deux anges qui les protègent, ces anges-là. Il repart d'Abd al-Rassar. Et d'Abd al-Rassar, il y en a quatre autres qui viennent. C'est ça à retenir. Ces anges-là, ils savent tout ce que tu fais et tout ce que tu dis. On va aller même plus loin. Ils savent certaines choses par rapport à la niya. David, le hadith que le prophète il a mentionné, où il a dit que celui qui a l'intention de faire une bonne action mais qui ne la fait pas, elle lui est écrite comme une bonne action. Celui qui l'a fait, cette bonne action, elle lui sera comptée combien ? 10. Celui qui avait l'intention de faire une mauvaise action mais qui ne la fait pas, elle lui sera comptée une bonne action. Si maintenant il fait cette mauvaise action, il lui sera compté comme une mauvaise action. Regarde la miséricorde de ton Seigneur. Tu fais une bonne action, elle t'est multipliée par 10. Tu fais une mauvaise action, elle t'est comptée comme une mauvaise action. Tu avais l'intention de faire une mauvaise action, mais tu ne l'as pas faite. En bas, elle te sera comptée une bonne action. Mais attention, qu'est-ce qu'il faut qu'on explique ici? Si toi tu avais l'intention de faire une mauvaise action et tu n'as pas pu faire ta mauvaise action, pas parce que tu ne voulais plus la faire, mais parce que la chose désirée n'est pas arrivée, tu avais rendez-vous. Tu avais rendez-vous avec une femme pour faire le haram. Et puis elle n'est pas venue, et puis tu lui dis, en alhamdoulilah, c'est bien comme ça, je ne fais pas le haram. Parce qu'elle n'est pas venue. Et si elle était venue, parce que tu serais parti aussi. Ou bien par exemple, tu pars, tu as l'intention d'aller voir une guerre. Tu pars, tout décidé, allez, je vais me passer une petite bibine. Et tu vas. Le café, il est fermé. Ah ben, tiens, ça me dit pas de faire du haram aujourd'hui. Ah non. C'est le contraire, c'est si tu vas pour faire ton haram, la fois tu dis, qu'est-ce qui m'arrive, qu'est-ce que j'allais faire? Ah non, alhamdoulilah, c'est pas bien ce que j'allais faire. Là, oui. D'accord? يؤمن أهل السنة بالملائكة الكرام الكاتبين الذين جعلهم الله تعالى حفظة علينا يحسون علينا جميع أقوالنا وأفعالنا ولا يفارقوننا إلا عند الخلا والجماع. Ici, à la sunnah wal jama'a, donc comme vous avez dit, ils croient en ces anges-là qui écrivent tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait. الذي جعلهم الله تعالى حفظة علينا يحسون علينا جميع أقوالنا وأفعالنا. Tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait, c'est écrit. ولا يفارقوننا إلا عند الخلاء والجماع. Ici, il y a un hadith qui est mentionné dans le Sharah, mais il est da'if, qui dit que ces deux anges se séparent de nous que quand on a un rapport avec nos épouses ou bien quand on rentre aux toilettes. Le hadith, il est da'if, mais est-ce que le ma'na est sahih? Allahu a'lam. وهم المذكورون في قوله تعالى. Et ce sont ceux qui sont cités dans le verset suivant. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. Alors que veillent sur vous des gardiens de nobles scribes qui savent ce que vous faites. D'accord? Ça veut dire qu'au moment, où tu le fais, ils le savent. Si tu ne le fais pas, ils ne savent pas. Si tu n'as pas eu l'intention de faire cette chose-là, ils ne savent pas. لا يعلم الغيب إلا الله. Ne connaît le futur que Allah subhanahu wa ta'ala. Mais à partir du moment où tu as formulé ton intention, Allah le sait. D'accord? Et le note bien ou moins mal. ومنهم رقيب وعتيد الذين ذكرهم الله تعالى بقوله لا يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Le plus important, il est ici, là. وَيُؤْمِنُ بِمَلَكِ الْمَوْتِ الَّذِي كَلَّفَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِقَبْضِ أَرْوَاحِ الْعَالَمِينَ مِنَ الثَّقِلَيْنِ كما قال تعالى قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تَرْجِعُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le verset suivant, il dit l'ange de la mort qui est chargé de vous fera mourir. Ensuite, vous serez ramené chez votre Seigneur. Dans Ahkam al-Jala'im, on rencontre ce hadith, qui est un hadith sahih, que Cheikh Nasr ibn al-Albani, rahimahullah, il évoque dans son livre Ahkam al-Jala'im, et qu'on rencontre même dans le Sharah ici. C'est pour ça que je voulais porter attention sur ce hadith. Il y a des frères qui ont déjà entendu parler de ce hadith-là, parce qu'on l'a déjà cité, mais même si ceux qui le connaissent, qui l'ont entendu, on va citer avec eux que la première partie. C'est un hadith qui se divise en deux. Et il est très très important. « Wa huwa rab ala min yankuru ahadab wa na'im al-qabr » C'est un rab. Pour ceux qui disent que non, dans la tombe, il n'y aura pas de châtiment, comme il n'y aura pas de jouissance. Alors ce hadith il est clair. Et en plus de ça, c'est un hadith sahih. Pourquoi je dis qu'il se divise en deux? Parce que le prophète, alayhi salatu wa salam, il donne... il décrit la description du croyant dans sa tombe et il décrit l'incroyant dans sa tombe aussi, le kafir billah. J'en avais parlé une fois lors de... il y a eu la mort d'un de nos frères, rahimahullah, qui était décédé, dont j'avais parlé de la première partie. Aujourd'hui, inchallah, on va lire les deux parties et on va essayer d'expliquer tout ça. Donc ici, il dit Al Barra ibn Azib qala خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر ولما يلحم فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة وجلسنا حوله وكأن على رؤوسنا الطير وفي يده عود ينكث في الأرض. Ici, ce sahabi Jalil radiallahu anhu, Al-Barra ibn Azib, il dit, on était avec le prophète alayhi salatu wasalam lors d'un combat mortuaire, jusqu'à le cimetière, où on voit Al-Baqir. C'était lors de l'enterrement d'un sahab. فانتهينا الى القبر ولما يمحض كنت لا تعملي دو لانتيغي جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله اي وسالتيو توجد خطاك عليه الصلاه والسلام فجعل ينظر الى السماء الى كما في الخطاك عليه الصلاه والسلام رجعت ذا للسيل وينظر الى الارض وجعل يرفع بصره ويخفضه ثلاثه الى سته صفوه الى رجعت للسيل الى رجعت للسيل الى صفوه فقال استعيذوا بالله من عذاب القبر مرتين او ثلاثه لصحابيه رضي الله عنه الى الى الى الى demander la protection au protection seigneur contre عذاب القبر le châtiment de la tombe deux fois ou trois fois ثم قال اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر فقلت الذي خاطر je demande protection contre le châtiment de la tombe je demande protection contre le châtiment de la tombe je demande protection contre le châtiment de la tombe ثم قال après le prophète عليه الصلاه والسلام qu'est-ce qu'il a dit ان العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة donc le serviteur, le croyant, le mu'min billah quand il va bientôt mourir donc c'est au moment de l'agonie quand il reste plus grand chose ça y est entre lui et l'akhira il reste plus grand chose Alors là, il y a des anges qui descendent, qui sont prêts maintenant à l'accepter. Bédul Wujur, ce sont des anges qui ne sont pas d'aspect effrayant. Au contraire, ce sont des beaux anges. Kerana Wujur Hamishem. Ce sont des anges qui sont beaux, qui ne sont pas effrayants. Donc, le mu'min, il a sans peur. Parce qu'il sait que déjà, cette première description-là, c'est une bouchera pour lui. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Naam kafanun min akfan al-janna. Ils apportent avec eux des linceuls du paradis. Wa hanutun min hanut al-janna. Et des parfums avec lesquels ils vont le laver, des parfums du paradis. Hatta yajmisu minhum madd al-basar. Et il y a tellement d'anges qui sont autour de lui que c'est ici, ils décrivent que c'est la distance de la vue. La vue, ce qu'elle peut regarder en bas de cette distance. Qu'elle peut regarder autour de lui des anges. On voit, tout ce qu'il peut voir, ce sont les anges. ثم يجيء ملك الموت عليه السلام حتى يجلس عند رأسه فيقول alors à ce moment-là quand il lui reste ça y est maintenant que le temps qu'il va mourir l'ange de la mort il vient et l'ange de la mort il s'appelle comment il s'appelle ملك الموت dans le Coran il s'appelle ملك الموت et dans le Hadith il s'appelle ملك الموت on ne connaît pas d'autres noms pour ملك الموت ceux qu'on entend à droite à gauche comme quoi il s'appelle عزرين ou العزرائيل et tout ça c'est من الإسرائيليات وهذا لا يصح هذا الكلام. كنا نسمع عزرين ولا إسرائيل ولا. هذا On continue. حتى donc, ملك الموت vient à ce moment-là. حتى يجلس عند رأسه فيقول. Alors il s'assoit auprès de sa tête et lui dit أيتها النفس الطيبة وفي رواية أخرى المطمئنة. Il lui dit Oh bonne âme. الطيبة. Et dans l'autre, المطمئنة. Oh âme tranquille, âme sereine. Ça c'est la deuxième bonne nouvelle. اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. Sors d'où de ce corps-là Il a marfilat min Allah wa ridwan auprès donc de ton Seigneur pour une satisfaction et un pardon auprès de ton Seigneur. Qala fatakhruju tasilu kama tasilu al-qataratu min fi-siqa fiya'khudha. Et comme ça, elle sort comme avec la goutte qui tombe du robinet quand il est mal fermé. Soit le robinet quand il est mal fermé, c'est la goutte comme ça, tic, tic, tic, comme ça. L'homme du croyant, c'est un exemple. Il y a d'autres hadiths qui sont mentionnés qu'elle sort comme si on sortait le cheveu d'une pâte. Il y a plein de hadiths. Mais en résumé, elle sort, elle ne se rend même pas compte qu'elle est sortie. Une fois que l'âme elle est sortie, il a l'impression qu'il n'est. Ça y est, un ami, je suis mort. Subhanallah. Donc on continue. وفي رواية هندق أبو زبي المطمئنة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. قال فتخرج تسيل كما تسيل الخطرة من في الثقة فيأخذها الله عليك المتصدرة إلى فرنس. وفي رواية حتى إذا خرجت روحه صلى عليه كل ملك بين السماء والأرض وكل ملك في السماء وفتحت له أبواب السماء ليس من أهل باب إلا وهم يدعون الله أن يرجع بروحه من قبلهم. ici dans une parenthèse qui est mentionnée ici, en résumé c'est que les anges alors là يستغفرون له يستغفرون بهذه الروح الطيبة. Ils demandent le pardon parce qu'on a dit que du'a al-malaika c'est l'istighfar lil mu'min. D'accord, c'est le pardon. فإذا أخذها لا فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذها فيجعلها في ذلك الكفن وفي ذلك الحانوت. Qu'est-ce qui se passe? L'ange de la mort, il n'a pas le temps de la prendre. Parce que lui, c'est quoi son travail de l'ange de la mort? C'est de faire sortir la roche, de faire sortir cette âme qui est dans ce corps-là. Mais une fois qu'il a fait sortir ça, son travail s'arrête là. Pas avec les autres anges, parce qu'il a des attendants. Parce qu'en attendant, on a des intendants, oui. Il a des intendants qui sont là pour l'aider. Une fois que la roche est sortie. Enfin, à ce moment-là, ceux qui sont avec l'ange de la mort, c'est eux qui vont lui faire sa toilette. Comme nous, on s'occupe de la toilette du défunt sur terre, enfin, eux, ils vont s'occuper de cette roche. Ils vont la préparer. Ils vont la laver avec quoi? Avec des parfums du paradis. Et ils vont l'envelopper avec des cassanes, des linceuls du paradis. Alors, nous allons nous Subhanallah. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné la capacité à cet ange de la mort de pouvoir prendre la vie d'une personne ici comme une personne à l'ouest ou une personne à l'est. Et il lui a donné la capacité de pouvoir prendre, pas qu'une seule personne, de pouvoir prendre plusieurs personnes à la fois et en même temps et au même moment à différents endroits. Tu vois? C'est pour ça que des fois quand tu vois par exemple un crash en Inde et tu vois par exemple une inondation en Amérique, et tu dis mais regarde ces gens-là ils sont morts au même moment. Et oui, parce que l'ange de la mort à l'Islam, Allah lui a donné la capacité de pouvoir. Ça c'est l'ange de la mort à l'Islam. C'est pour ça qu'il ne faut pas méditer. Quand on dit il ne faut pas méditer de comment il fait. Pas, on ne nous a pas demandé comment il fait. Ce qu'il nous a demandé c'est d'y croire. C'est de croire que l'ange de la mort, il est capable. Mais maintenant, de dire comment il peut se rendre à tel endroit, il faut pas, on ne devait pas demander ces choses-là. J'ouvre une parenthèse, quand on parle des attributs d'Allah, subhanahu wa ta'ala, il ne nous est pas demandé de savoir comment, il nous est demandé d'y croire. Pourquoi toutes ces sectes, elles se sont égarées? Parce que justement, elles ont philosophé. Alors, elles se sont égarées parce qu'elles ont philosophé, et elles se sont égarées parce qu'elles n'ont pas accepté. Alors qu'elles sont tombées dans le piège de l'interprétation. On n'accepte pas que Allah subhanahu wa ta'ala, il a une main dans le Coran, alors que Allah subhanahu wa ta'ala, il parle de main dans le Coran. Et le prophète, il parle de main dans le hadith. Ils ont dit non. On va interpréter la main par la puissance d'Allah. Mais qui un jour a dit parmi les pieux prédécesseurs? Parce que ce sont eux les plus aptes à comprendre les textes que nous. Ou même, voire plus loin. Qui a dit que Allah subhanahu wa ta'ala avait voulu dire que par la main c'est la puissance? Ou que le prophète alayhi salatu wa salam il a voulu dire que la main d'Allah ça voulait dire la puissance? Personne n'a jamais dit ça. Alors comme ils n'ont pas accepté la main, ils sont tombés dans le piège de l'interprétation, ils ont interprété. Nous, on ne doit pas interpréter, on doit prendre le texte comme il est. Allah subhanahu wa ta'ala a parlé de main, on y croit. Mais on a cette règle en or qui est l'aïsa qui nous fait l'échec. Il n'y a rien qui ressemble à Allah, il n'y a rien qui est tel qu'Allah. Alors pourquoi continuer à philosopher et dire oui, mais non? Il ne faut pas dire oui, mais si tu dis oui, mais ça y est, tu te gares. Allah a parlé de main, je crois à cette main-là, mais je sais une chose, c'est que Allah ne ressemble pas à cette créature. Ça s'arrête là. Et c'est ça qui est demandé. On continue. Donc ici, ce qu'il ne s'est pas demandé, c'est de la description, de savoir comment il fait, comment il ne fait pas. Allah lui a donné cette capacité de faire ce travail-là. Il fait ce travail-là. Donc, وَقَالُوا تَعَلَى تَوَفَّتْهُ رُسُولُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ. Et donc, quand Malak al-Mawt il prend cette âme-là, les autres anges, ils font le travail qu'ils ont à faire. وَيَخْرُجُ مِنْهَا كَأَطْيَبِ بِنَفْخَةٍ مِسْكٍ وُجِدَتْ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ. Et une fois qu'elle est enveloppée, elle est lavée avec ce parfum, il n'y a pas d'odeur similaire à cette bonne odeur, qui ressemble à cette odeur, parmi les odeurs terrestres, bien sûr. Tu peux avoir n'importe quel parfum, je ne sais pas moi, le misque. l'Ambar, Yasmin et tout, ça n'a rien à voir avec les parfums du paradis. Tout ce qui est au paradis, ça n'a rien à voir avec tout ce qui est sur terre. Même les fruits du paradis, même les vêtements du paradis, même les femmes du paradis, même les demeures au paradis, même les jardins du paradis, tout ce qui est au paradis, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Alors après, quand on entend des gens de certaines sectes égarées faire des prêches et dire que. Il y en a qui se pensent, dit, genre, ça je l'ai entendu, il y a un frère qui dit, j'ai vu le paradis, j'ai vu l'enfer. Istakullah, Seigneur Allah, subhanahu wa ta'ala, dit par le pareil. J'ai vu le paradis, j'ai vu l'enfer. Il va à l'encontre des versets, à l'encontre des hadiths du prophète, alayhi salatu wassalam. La aynun ra'at, wa la udrun sami'at, wa la khatara ala khalbi. Parce que le prophète, alayhi salatu wassalam, il dit, aucun œil a vu le paradis. Ni n'a entendu, ni n'a pu penser à part ce que le prophète, alayhi salatu wassalam, a vu et a décrit. Mais quelqu'un est bien et dit, j'ai fait un rêve. Notre religion n'avance pas avec des rêves. Notre religion n'avance pas avec des rêves. Notre religion, elle est bâtie, elle est construite. قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصحابة ياسك دون القرآن فبها ونعمة ياسك دون الحديث الصحيح لأن نحن لا نستنبط بالأحاديث الضعيفة ولا نستنبط بالأحاديث الموضوعة المنكرة الكاذبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبقى توجور لفرق كان فوزين في يدي حديث فكان جد فنس توجور الحديث الصحيح La sunna authentique, parce qu'il y a des gens, ils ont fait rentrer dans la sunna des choses qui ne font pas partie de la sunna, et ils l'ont fait rentrer au nom de la sunna. Et après, ils vont se dire c'est une sunna. Quelqu'un qui ne connaît pas, il va dire oui, il va suivre. Mais non, on se base sur le hadith authentique. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il l'a dit, avec une échelle de narration qui est rapportée authentiquement, on l'accepte. Le hadith d'aïf, on ne le prend pas. Mais là, il y en a qui vont te dire, oui, mais il y a juste l'art de l'hadith d'arif, les tergib ou tergib. On a assez de hadith sahih pour pouvoir faire tergib et tergib. On n'a pas besoin de hadith d'arif. Surtout pendant le mois du ramadan, on en entend des versets et des familles. Des hadiths, masha'Allah, qui n'existent même pas. Des hadiths inventés. Et on en entend. Surtout quand tu ouvres la radio, il est à Achar, et que tu entends des choses, tu dis, les gens, ils sont assassins. Regarde ce qu'ils vont gober. Regarde ce qu'ils vont et ce qu'ils entendent. Plein de hadiths qui sont munkara. Même pas d'arrivée, c'est munkar. Qu'est-ce dit dans la Rasul sallallahu alayhi wa sallam? قال فيسعدون بها فلا يمرون يعني بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الطيب فيقولون فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنيا فيستفتحون له فيفتح لهم فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها حتى ينتهي به إلى السماء السابعة فيقول الله عز وجل donc qu'est-ce qui se passe après une fois qu'elle a été enveloppée dans le linceul du paradis et qu'elle a été parfumée elle est emportée de ciel en ciel jusqu'au septième ciel il n'y a pas un ciel où il traverse où les anges me disent mais qui est cette bonne âme qui est cette personne ils sont étonnés et alors là on évoque les plus beaux noms avec lesquels on le mentionnait dans Dunya c'est un tel homme de confiance. Ah, c'est l'homme généreux. Ah, c'est l'homme celui qui craignait son Seigneur. Avec tous les noms qu'on pouvait, il était connu. Il était connu sur terre. Alors, une fois arrivé au septième ciel, il a semé Rabbi Fayakoul, Allahu Azza wa Jal, Uktubu Kitaba Abdi Fi'aliyin. Alors, écrivez le nom de mon serviteur, Fi'aliyin. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul fil Qur'an wa ma adraka ma 'illiyun kayf tudbiru taqwa 'illiyun kitabun marqum yashhaduhu al muqarrabun c'est un registre comment il est Allah a'lam où les noms de ceux qui vont accéder au paradis Allah maj'alna minhum inshallah est mentionné donc kitab 'abdi fi 'illiyin fa yaktubu kitabahu fi 'illiyin thumma yuqal a'iduhu ila al ard après lui sera dit retournez-le sur terre. فإني pourquoi parce que Allah subhanahu wa ta'ala قال وعدتهم أني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى parce que je me suis promis que c'est de elle je leur retournerai ومنها خلقتهم et c'est de elle que je les ai créés dans cette terre-là وفيها أعيدهم Et c'est dans elle que je leur retournerai. Ou amina au khayj, j'aurai une terre à ta défa. Et c'est de cette terre-là que je leur ferai ressortir. Donc une deuxième fois. فيرد إلى الأرض إلا في صغر رتنه إلى الأرض تعاد روحه في جسده ici la roue elle retourne dans le corps. Donc qu'est-ce qu'on peut comprendre de ce passage là, de ce hadith là qui n'est pas mentionné mais par rapport à d'autres hadiths, que à ce moment là on comprend que le corps il est déjà rentré dans la terre, il vient d'être rentré dans la terre et la roue elle descend. Mais il y a un autre hadith mais ils se ressemblent, c'est que lorsque on emmène les convois mortuaires, l'âme de l'homme dit qaddimouni, qaddimouni. Dans un hadith, il dit amenez-moi, amenez-moi, il est pressé. Et c'est pour ça que la sunna du prophète, c'est de, quand on a un mort, on s'empresse de le laver, de lui faire sa toilette et d'aller l'enterrer. Et il n'y a pas de temps. Pas comme des fois on entend, oui, c'est pas bien de l'enterrer de nuit, il vaut mieux l'enterrer de jour. Adala, la sunna c'est de l'enterrer à n'importe quel moment. Cheikh Rabbani Rahimahullah, il a fait dans son testament avant de mourir, la chose primordiale et la plus importante, c'est que quand je meurs, quand ça il a dit qu'il allait. Et ça c'est une sunna les frères. Je vous le dis, il est sunna d'écrire son testament dès maintenant. Il ne faut pas attendre de dire que quand je vais vieillir ou quand je vais. Allah même quand tu vas mourir. Il est sunna d'avoir son testament avec lui dès maintenant, de son vivant, d'écrire. On ne sait jamais, tu vas mourir, tu... L'Aqadar, on ne sait pas ce qui peut se passer. C'est un testament, tu laisses tout ce wasaya derrière. Voilà, je dois de l'argent à tel, on m'a fait telle chose, il faut rendre à telle personne, on me doit tant, etc. etc. En bas, Cheikh Al-Albani, rahimallah, parmi les choses qu'il a écrites, il a mis, quand je vais mourir, il faut s'empresser de m'enterrer, ne pas me laisser. Ben, il est mort après l'Asr, une fois qu'ils ont vu que ça y est, il était réellement mort, le docteur est venu, il a fait des tests pour rappeler, ils sont allés l'enterrer. Ils sont allés l'enterrer, ils ont fait pas de janaza sur lui, ils sont allés l'enterrer. Tu vois, ils ne font pas attendre, il ne faut pas dire oui, c'est la nuit, c'est la nuit, il y a leur mahaba. D'accord, ça c'est une sunna. Et l'abd al-kafir, qu'est-ce qu'il dit? Il a haine quand il va à sa place. Parce que ça y est, le hijab là, il est enlevé. Il voit maintenant. Donc c'est deux hadiths qui se ressemblent. Mais l'essentiel, c'est de savoir qu'à ce moment-là, la roche, elle est revenue dans le corps. Mais s'il y a un curieux qui dit, tiens, je vais ouvrir le cercueil pour voir s'il bouge ou il parle. Malgré que la roche, elle est dans le corps, ça y est, ça, tu ne vois rien. Parce qu'elle est partie de l'autre côté. Il y a des gens comme ça, des journalistes, ils ont voulu faire des expériences. Ils ont mis des radiocassettes dans la tombe pour voir si on veut écouter le discours de Monkir Makir. C'est des choses bizarres. Tout ça, ce sont des fausses croyances. Ou bien de dire que oui, il y en a, ils ont vu Malakul Mout, ils ont vu l'enfer, des trucs comme ça. Elle est sortie, comme une fois, on entend des fois, une dame, elle a vu l'enfer, elle a vu ceci, elle est sortie, mais elle est venue à Golet de ne pas parler, comme par hasard. Comme par hasard. Avant elle parlait, mais maintenant elle est ressortie parce que Allah subhanahu wa ta'ala ne lui a pas écrit qu'elle allait mourir. Ils ont cru qu'elle était morte. Ils l'ont enterré de sang, ils l'ont entendu crier. Ils se sont dit, Mara Mamatech, la femme Mamatech. Ils sont allés la déterrer. Quand ils sont allés la déterrer, soi-disant, elle a vu l'enfer, elle a vu des choses comme ça, ben ça va plus pareil. Racontez pas, subhanallah. L'histoire magique, on en a comme ça en pagaille, subhanallah. Ici, il y a un point que je voulais ramener vite fait par rapport à ce que je viens de dire, et après je reprendrai le hadith. Dans le sharah, il dit que تتعلق فالروح بالبدن خمسة أنواع من التعليق. La roue, l'âme, elle est raccrochée au corps dans cinq étapes. Mais si on regarde ces cinq étapes, on verra bien que selon l'étape qu'elle va passer, c'est différent. La première étape qu'il nous ramène ici, il te dit « إِحْبَهَا تَعْلِقُهَا بِهِ فِي بَطْلِ الْأُمِّ جَنِينًا » La roche, quand elle est dans le ventre du bébé, après les 4 mois, bien sûr, parce qu'on sait qu'après 4 mois, Allah subhanahu il insuffle la roche dans l'enfant. Donc là, elle est vivante, la roche, et elle est collée avec le corps. C'est la première étape. La deuxième étape, تعليق هذه بعد خروجه إلى وجه الأرض. La deuxième étape, c'est le corps et la roche, comme nous sommes là actuellement, dans la vie terrestre. C'est différent de quand on était à l'intérieur de le ventre de nos mamans. الثالث, la troisième étape, تعليق هذه حال النوم. Allah Akbar. C'est quand maintenant la personne elle dort. Quand elle dort, la roche elle voyage. Mais elle est toujours attachée. Elle est attachée. Et j'avais dit une chose qui était très, très belle aussi, c'était dans un livre de Cheikh Issam Ibn Taymiyyah, il expliquait ça comme le phare. Tu vois le phare? Le phare il est là, mais t'as vu la projection de la lumière elle est où? Ah ben quand l'homme il dort, la roche elle voyage. Elle voyage, mais elle est toujours accrochée à son corps, elle est rattachée. Comme si on te mettait une ficelle ici, puis hop, une deuxième personne de toi sort, elle va se balader, mais elle est toujours attachée. Et alors, quand maintenant Allah subhanahu wa ta'ala décide pour une personne qu'il va mourir, elle meurt pendant son sommeil. Et celle que Allah n'a pas écrit pour elle qu'elle doit mourir, elle revient à son sommeil. Mais ces choses-là, c'est du domaine de l'impalpable, qu'on peut pas nous essayer d'essayer de comprendre. Il faut y croire. C'est parce que cette âme qui voyage, elle est loin. Mais sur la fraction seconde, tu réveilles la personne, c'est la preuve, tout de suite, elle est là. Et ça se fait rapidement. C'est des choses où il faut y croire. Donc la troisième étape, c'est quoi? C'est تعليق هذه في حال النوم فلها به تعليق من وجه ومفارقة من وجه. Parce que comme on l'a dit, où elle reste, parce que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas décidé pour elle qu'elle doit quitter la vie, ou alors elle doit quitter la vie, elle va mourir, c'est-à-dire la personne va mourir et la roche elle part. La quatrième étape, تعليق هذه في البرزخ. La quatrième étape, c'est في البرزخ. C'est quoi le برزخ? C'est ce qu'on traduira par l'isme. C'est l'entre-monde. Ce qu'on trouve dans certains livres, l'entre-monde. Ben el dunya ou l'akhira. D'accord? Alors, fa'aliquha bihi fil barzakh, fa'innaha wa in farakathu wa tajarrabat anhu, fa'innaha lam tufarikhu firaqan kulli bihaythu la yabqa laha ilayhi iltifat il batta, fa'innahu warada ردها إليه وقت السلام المسلم ورد أنه يسمع خفقة لعليهم حين يولون عنه وهذا الرد إعادة خاصة لا يجري حياة البدن قبل يوم القيامة. Parce que qu'est-ce qui te dit ici? Qui peut expliquer par là? Il te dit que dans la tombe, si tu ouvres une tombe, tu verras un mort, tu verras un squelette selon le temps où il était. D'accord? De toute façon, tu verras rien. Mais c'est le bazar. Le corps et l'âme, les deux, le Sunnah du Jama'a, ils croient que les châtiments comme les jouissances, c'est pour les deux, c'est comme pour le corps et l'âme. Même si toi tu vois que par exemple, tu vois un corps inerte qui ne bouge pas, lui, s'il est un croyant, il a fait la âme. Il jouit des bienfaits que Allah subhanahu wa ta'ala lui a permis. Avec son âme et avec son corps, dès que tu vois un corps inerte. Comme pour le mécréant. Il est en train de souffrir et en train de se faire châter, toi tu vois pas un corps qui bouge. Mais lui à ce moment-là, oui. Ce qu'il veut dire par là, il dit pourquoi elle est toujours encore attachée? Elle est attachée. Mais il faut savoir une chose, c'est que ça n'a rien à voir avec les mouvements de la douya. C'est ça qu'il faut savoir. Pourquoi il ramène ça? Parce qu'il dit qu'il y a deux moments. Premier moment, c'est quand les gens de sa famille sont encore autour de lui, qui s'apprêtent à partir, il entend encore les pas de ceux qui sont dans le cimetière, donc il entend. Et une fois qu'ils sont partis, c'est fini, il n'entend plus. Et une deuxième fois, c'est quand, par exemple, les gens, ils viennent dans le cimetière et ils font salam pour les morts. À ce moment-là, on sait que les morts répondent au salam. Donc c'est pour ça qu'elle est toujours rattachée indirectement. D'accord? Et le cinquième point, c'est تَعْلِقُ هَذِهِ يَوْمَ بَعْثِ الْأَجْسَادِ وَهُوَ أَكْمَلُ أَنْوَاعِ التَّعْلِيقِ بِالْبَدَنِ. Et la cinquième étape, c'est تَعْلِقُهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. C'est là maintenant, Anna biruhihi wa jasadihi fil jannah. D'accord? On continue. C'était un petit passage par rapport à ça. Qala fa innahu yasma'u khisqan li'ali ashabihi idha wallaw anhu mudbirin. Fa yatihi malakan. À ce moment-là, alors maintenant qu'il est dans sa tombe, le croyant est dans sa tombe. Fa yatihi malakan shadid al-intihar. C'est-à-dire l'intihar, le verbe en arabe, ça veut dire quoi? C'est-à-dire gronder, c'est-à-dire réprimander. C'est comme quand tu parles avec quelqu'un, mais tu le grondes, tu le réprimandes. C'est une épreuve encore à passer. c'est une épreuve à passer, mais à ce moment-là, lui, il est en confiance bi-idnillah. Il est en confiance bi-idnillah. Mais attention, cette confiance, elle n'est pas donnée à tout le monde. Celui qui n'a pas travaillé à confiance dans Allah dans cette dunya, comment il va l'avoir à ce moment-là? Il ne l'aura pas. Parce que sinon, c'est trop facile. C'est trop facile comme ça. Donc, et dans une autre riwaya, Sayyan Sahiranihi, il le groupe, il le réprimande. Alors ils le font s'asseoir et ils lui disent « Man rabbuka ?» Fayaqulu rabbi Allah. Fayaqulani lahu ma dinuk. Quel est ton Seigneur? Il répondra « Mon Seigneur c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Fayaqulani lahu ma dinuka. Quelle est ta religion? Fayaqulu din l'islam. Ma religion c'est la religion de l'islam. Fayaqulani lahu. Ils lui diront « Ma hada rajul alladhi bu'ita fikum. » Qu'est-ce que tu dis de cet homme-là qui a été envoyé vers vous, qui a été envoyé pour vous? فيقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dans notre hadith, il est mentionné celui qui sera montré le prophète, عليه الصلاة والسلام. Et il le reconnaîtra par quoi? Par rapport à sa sunnah. Justement, comme il aura mis en application la sunnah du prophète, عليه الصلاة والسلام, dans sa vie, il reconnaîtra facilement le prophète, عليه الصلاة والسلام. Comme nous aussi maintenant, on nous sort, je ne sais pas moi, un gars qu'on ne connaît même pas, on nous dit que c'est qui ce gars-là? On ne le connaît pas. On ne pourra pas le connaître. Mais si par exemple on nous a parlé d'un tel, on nous a décrit dans ses paroles, dans ses actions, comment il est en général, c'est qu'on va voir, ah ben c'est là la personne qu'on nous a parlé, tiens, ben, ben c'est il est là-bas, tiens. Pourquoi? Parce qu'on l'a décrit auparavant. C'est pareil, comme on nous a décrit le prophète alayhi salatu wa sallam dans son sunnah, comme lui aussi, comme les compagnons l'ont rapporté, c'est la dernière fois. Donc on pourra le reconnaître, bismillah. D'accord? Donc, فَيَقُولَانِ لَهُ مَا عَمَلُكَ وَمَا عَمَلُكَ. فيقول قرأت كتاب الله. Qu'est-ce que tu faisais pour avoir su ces choses? قرأت كتاب الله. J'ai lu le livre d'Allah, c'est le Coran. فأمنت به. J'y ai cru. وصدقت به. فينتهره. Et une deuxième, il va encore le reprendre. فيقول من ربك؟ ما هو دينك؟ Pour être sûr, pour voir si vraiment il est sûr, s'il est affirmé dans ses réponses. من نبيك؟ وهو آخر فتنة تعرض على المؤمن. Et c'est la dernière des épreuves. C'est la dernière des épreuves que le croyant aura. C'est pour ça que Othman ibn Affan, quand on lui évoquait le paradis, normal. On lui évoquait l'enfer, normal. Mais quand on lui évoquait la tombe, il pleurait comme une petite gamine. Rabbi Allah. Il pleurait. Il dit, Amir al-Mu'minin, Intamil al-Jannah, Inch'Allah, tu as été mentionné dans le prophète, alayhi salatu wassalam, tu fais partie des 10 qui rentreront au paradis, et tes vertus sont reconnues. La yutkika indama yutkar al-qabr. Pourquoi tu parles alors on parle de l'enfer? Ça ne fait rien, on parle du paradis, ça ne fait rien. Il dit parce qu'il y a awalu, c'est parti. Si ça revient, je vais le dire. Mais on reste dans tout ça. Je me rappelle. Est-ce que tu faisais avec la ilaha illallah? Mais quand je dis avec la ilaha illallah, laisse un mujarrad al-kalam faqat, c'est pas la bouche, c'est du ma'na al-haqiqi, bi arkaniha, wa bi shurutiha, bi maqtadat hadhihi al-kalima. C'est avec ses conditions, avec son sens, le vrai sens de la ilaha illallah que tu mets en application. C'est ça. Allah subhanahu wa ta'ala, à ce moment-là dans la tombe, il t'affirme, il t'affirme. Où est-ce que tu as? Fayaqulu rabbi Allah. وزين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم على الله بي ريبونس avec toute franchise que mon seigneur c'est Allah et ma religion c'est l'islam et mon prophète c'est محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من الذين يقولون هذا يوم القيامة ان شاء الله بداية بقبرنا ان شاء الله qu'on fasse partie des gens qui sera facile à eux de dire ça ان شاء الله سينادي منادي في السماء. Alors à ce moment là un appeleur si on peut dire ça comme ça appellera du ciel et dira ان صدق عبدي. Mon serviteur a dit vrai, فَأَفْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ. Alors maintenant, répondez-lui des tapis du paradis, وَأَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ. Et donnez-lui, habillez-nous des vêtements du paradis, وَأَفْتَحُوا لَهُ بَابًا فِي الْجَنَّةِ. Et ouvrez-lui une porte qu'il puisse voir le paradis. قال فيأتيه من روحها وطيبها. Alors à ce moment-là, des bonnes odeurs du paradis, des parfums du paradis rentreront. ويفسح له في قبره مد بصره. Et alors à ce moment-là, sa tombe s'élargira jusqu'à la limite de la vue. Ce que toi tu peux voir, c'est ça la limite. ويفسح له في قبره مد بصره. قال ويأتيه. وفي رواية يمثل له رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح فيقول à ce moment-là viendra une personne, il lui sera présenté une personne devant lui qui sera agréable à sa vue, t'es content. Il y a des gens, subhanallah, comme ça, cette dunya, quand tu les vois, son cœur il accepte, comme on dit, son visage il resplendit de la lumière, tu vois, mashallah. Il y en a des autres quand tu les vois, alhamdoulilah. On ne parle pas de la création d'Allah, mais les actions qui ressentent de lui, tu vois, comme on dit, son visage... Oui, c'est ça, le visage fermé... Voilà, c'est ça. Lui, non, au contraire, dès que la personne, le monde dans sa tombe va le voir, il sera content de le voir. Et qu'est-ce qu'il lui dira ? Alors cet homme-là lui dira, reçois la bonne nouvelle. Abshir bi ridwan min Allah. Reçois déjà la bonne nouvelle de la satisfaction de ton Seigneur. Et des jardins au coude des ruisseaux, il est parlé, il va lui décrire un petit peu le paradis. Hada yawmuk alladhi kunta tu'ad. Ça c'est le jour de la promesse. On t'avait promis ce jour-là ? C'est bientôt, ça y est, on y est maintenant. On a la porte. Et le croyant, il est content. Il est content, mashallah, il a réussi. Il a réussi, bi'idnillah, subhanallah. فيقول له وانت فبشرك الله بخير اطلع كي الله aussi te fasse la bonne nouvelle parce qu'il croit que c'est un croyant comme lui ou tu vois à ce moment là on est en train d'écrire ce hadith là mais le jour où on va être dans le tombe on ne saura pas. C'est pour ça justement que le prophète عليه الصلاة والسلام il dit que celui que Allah n'a pas affirmé, c'est bon, comme il lui dira, il lui pose cette question comme si il ne savait pas qui c'était et réellement il ne sait pas qui c'est. Il lui répondra فيقول Anna, amal al-salih, moi je suis tes bonnes actions. Anna, je suis tes bonnes actions. Tu vois? Anna, amal al-salih, fa wallahi ma alimtuka illa kunta sari'an fi ta'atillah. Et je ne t'ai connu que quand on te parlait d'une obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, tu t'empressais de la faire. Dès qu'il y avait une obéissance à Allah, tu étais le premier à la faire. Dès qu'on te disait que, tiens, un tel il est dans le besoin, tu peux l'aider. Sors, Anna, c'est moi qui m'occupe. Tu sais, c'est sunnah de jeûner le lundi, jeudi. Tu avec impatience le lundi, je dis pour jeûner le. Et toutes ces bonnes actions. Dès que tu as une bonne action à faire, tu es le premier à la faire. Et après, qu'est-ce qu'il dit ici ? Bati'an fi ma'siyatillah. Et Bati'an, c'est quoi ce mot-là en arabe ? Il veut dire, et c'est la lenteur. Et quand tu voyais une désobéissance à Allah, subhanahu wa ta'ala, tu étais lent à la faire. Ça ne veut pas dire qu'il la faisait, c'est-à-dire qu'il ne la faisait pas. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire qu'au contraire, dès qu'il y avait une désobéissance à Allah, tu t'en éloignais. Tu vois ? Fa jazakallahu khairan. Aujourd'hui, Allah subhanahu wa ta'ala, il passe tous ses bienfaits. Thumma yuftah lahu babun fil jannah wa babun min an-nar. Et alors, une porte du paradis lui sera ouverte et une porte de l'enfer lui sera ouverte. Fa yuqal, il lui sera dit, hada manziluka law asayta Allah. Tu vois cette place là en enfer ? En bas, c'est ta place si tu avais désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala. فإذا رأى ما في الجنة قال عفوا هذا منزلك لو عصيت الله أبدلك الله بهذا et au contraire tu vois cette place là en bas là ton père il te l'a changé parce que tu l'as obéi. Ça c'était ta place qui était réservée si tu avais été désobéissant, mais puisque tu étais dans l'obéissance voilà ta place volée. فإذا رأى ما في الجنة قال ربي عجل قيام الساعة et après c'est ce mu'min دامن صماع دامن يسمع في الخير فا ربي. Il veut concrétiser les biens que Allah subhanahu wa ta'ala a promis. Qu'est-ce qu'il dira quand il verra ça ? C'est rien, Allah. Adjil al-sa'a, parce que le jugement il arrive là, ça y est, il va dire. C'est Allah, ya Rabbi. Tu vois ? Il est pressé. Pourquoi ? Kayma arji'u ila ahli wa mali, fayuqalu la uskun. Respire, patience. C'est bientôt. Pourquoi ? Pour qu'il puisse retrouver sa famille, qu'il puisse retrouver ses biens que Allah subhanahu wa ta'ala lui a promis. Et on sait une chose, on sait que l'espace-temps, le temps qui est dans le alam al-akhira, c'est pas le même temps que le nôtre. Ces gens qui sont morts depuis des années, des siècles et tout ça, pour eux, c'est comme si c'était une fraction seconde qu'ils venaient de quitter. Vous voyez un hadith du prophète, qui dit que le mort dans sa tombe, le croyant, il reste le temps de deux prières, Dhuhr et l'Asr. C'est comme si il avait fait Dhuhr et puis il attend l'Asr. Subhanallah. Inch'Allah, la kulli hal. Pour aujourd'hui, on s'arrêtera ici parce que la suite du hadith, il est aussi long et le temps là, c'est bientôt. On va s'arrêter ici, Inch'Allah, bismillah. Et la semaine prochaine, on continuera même ce hadith-là, on terminera. Et on continuera dans notre leçon, Inch'Allah. Wa subhanak Allahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk.